Exercice 8. Suspense en altitude. Alfred et Florence vivaient dans un petit village des Alpes. Alfred dirigeait un bel hôtel et Florence s'occupait de leur grand chalet. Ils recevaient des touristes du monde entier. Un jour, une famille italienne est arrivée. Il y avait les parents, Luigi et Carla, et leur fils de 6 ans, Umberto. Chaque jour, ils faisaient du ski ensemble. Mais un après-midi, Umberto a disparu. Alfred, Florence, Luigi et Carla sont partis à sa recherche.